Run, Danny Placard dans une galerie, Lisa Leblanc et plusieurs autres dans des lieux atypiques. Et pour couronner le tout, vous êtes conviés au gros party d'Halloween en plein air à la place centrale du Centropolis. Achetez vos billets sur lavitrine.com et visitez le festivaldiapason.com. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Le Terminus. Ce vendredi 19 octobre, bienvenue à l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM. Je m'appelle Jean-François Lusignan, on est ensemble, j'ai de la misère à chaque semaine, ensemble pour une heure de rock indépendant d'Indie Rock. Et au menu ce soir, on va voir entre autres Pins, Cold Showers, Coma, Cinéma, une nouveauté, et Indoor Voices également, une autre nouveauté, aussi une nouveauté de Soft Moon, et je vois en parcourant la liste des groupes ce soir qu'on va avoir quand même beaucoup de trucs d'inspiration shoegaze et post-punk, donc ce soir, tenez-vous avertis. Et on va avoir aussi du côté francophone, Jésus, les filles, Lavabo, et c'est pas mal ça, d'autres surprises aussi. La semaine dernière, on avait en entrée d'émission un groupe chinois, on continue encore ce soir, donc la semaine dernière, c'était à l'honneur de l'étiquette Maybe Mars qui sortait une compilation. Ce soir, c'est un groupe qui n'est pas sur la même étiquette, mais qui s'appelle Edge Dog, qui est également donc chinois, qui est de la capitale aussi, Beijing. Et le groupe disait, donc, pendant la composition de son dernier album, qui s'appelle Sun Fun Gun, qui était assez inspiré, en fait, par ses questionnements sur l'évolution récente et rapide de la société chinoise, qui, maintenant, a remplacé des valeurs comme la famille et le travail par l'argent. Donc, le groupe s'est dit beaucoup inspiré par ce questionnement-là. Et on peut dire en Chine, donc, qu'il y a beaucoup de jeunes qui se posent cette question-là actuellement. Et contrairement à d'autres sociétés, en fait, les Chinois auront peut-être l'avantage du nombre pour peut-être changer la société chinoise. Donc, ça va être à suivre. En attendant de se poser ces questions-là, on va écouter Hedgehog. Non, Hedgehog, c'est ça, c'est le nom du groupe. La chanson Heart on Fire sur les ondes de CISM. We'll be right back. un nouveau groupe de Los Angeles, Cold Showers, avec la chanson BC. Et pendant que ça jouait, il y a les années 80 qui ont appelé. Et ils voudraient revoir leur chanson, s'il vous plaît, parce que ça sonnait pas mal comme les années 80. C'était précédé de Leap, un groupe montréalais, et la chanson Despite, et qui se retrouve sur une nouvelle compilation gratuite, hein, qui à l'origine est sortie sur cassette, et maintenant deux cassettes, et qui est maintenant disponible donc gratuitement sur Bandcamp. Donc, compilation produite par l'étiquette montréalais For Christ's Sake, et qui réunit des groupes pas mal intéressants comme Metagruo, Solids, Phil Console, Vulgar You, Flesh Moves. Donc, quand même pas pire comme alignement. Et le concept, si je comprends bien, c'était que tous les groupes avaient une journée pour enregistrer deux chansons en studio. Et ça a donné cette compilation-là double que vous pouvez retrouver donc gratuitement sur Internet en tapant For Christ's Sake et bandcamp.com. On va continuer avec le groupe Pins, une formation de Manchester qui vient de sortir un EP qui s'appelle Love You For Life, duquel est extrait la chanson Say To Me, que voici sur les ondes de CISM 89.3. Yeah. Jésus les filles, je t'adore. De leur album Une belle table qui est sorti en 2010. Et je voyais cette semaine que le groupe a annoncé qu'ils vont jouer le 3 novembre au festival Iceland Airwaves, qui est assez spécial. C'est un festival qui a lieu à chaque année dans la capitale islandaise Reykjavik et qui met surtout l'accent sur les groupes émergents locaux, mais qui invite aussi quelques groupes internationaux à se produire donc dans la capitale. Comme par exemple, il y a des groupes super intéressants cette année qui vont être là, comme par exemple Dive, Dirty Projectors, Exit Music, Vaccines, mais aussi des groupes anglo-montréalais de chez nous, Half Moon Run, Moonface, Passwords, entre autres. Mais il ne doit pas y avoir souvent de groupes francophones du Québec qui se produisent à Reykjavik, donc ça risque d'être assez intéressant de surveiller la réaction des Islandais par rapport à Jésus les filles, qui est probablement un des groupes rock francophones les plus intéressants actuellement au Québec, quoique il y a plusieurs groupes qui poussent actuellement, qui sont aussi à suivre. Donc Jésus les filles en Islande, 3 novembre prochain. On va maintenant poursuivre avec du Eugène et le cheval, la chanson 1955, et ce sera suivi d'une exclusivité ici à CISM, Indoor Voices, qui sort un nouveau EP la semaine prochaine. On a déjà reçu ça et ça va jouer tout de suite après Eugène et le cheval. Tout ça sur les ondes de CISM 89.3. Enfin des armées, je ne sais pas. yesterday. We melted away. Like leather in it crackles and it freezes. Have you realized that you're Yesterday de Evans XTC, qui est un projet qui aura finalement donné seulement une chanson. En fait, cette chanson-là est apparue sur MySpace, je me rappelle bien, en 2009. Et il y a eu une espèce de buzz qui s'est créé autour de cette chanson-là. Tout le monde se demandait c'est qui ça, Evans XTC. Et personne n'a vraiment pu savoir c'était qui vraiment, parce que par la suite, là, quelques semaines ou mois plus tard, la chanson a disparu. Mais heureusement, les gars du groupe Yuck, je ne sais pas si vous connaissez, le groupe Yuck, d'un peu d'inspiration grunge, ont en 2010 dirigé une compilation sur laquelle ils ont réussi à inclure la chanson donc d'Evans XTC, la chanson Yesterday, pour lui donner un peu plus de visibilité. Et voilà, c'est la chanson qu'on vient d'entendre. Et juste avant, c'était Indoor Voices. Je devais vous faire jouer la chanson Steel qui figure sur son nouveau EP qui sort la semaine prochaine, mais malheureusement, j'ai emmené son vieux EP avec moi. Donc, c'était plutôt la chanson After que vous avez entendue, qui inclut un peu plus de bidouillage que ce qu'on joue habituellement à l'émission. Donc, on se reprendra la semaine prochaine pour entendre cette chanson-là de Indoor Voices. On va poursuivre avec du Cool Runnings, qui est le groupe qui joue la chanson qui ouvre l'émission à chaque semaine du Terminus. Cette fois-ci, on va entendre la chanson Fort Kid. Voilà, je m'appelle Jean-François Lusignan. On est ensemble jusqu'à 22h pour l'émission Le Terminus sur les ondes de CISM 89.3. Thank you. Ugly. nouvelle chanson de Coma Cinema, Virgin Veins, c'est ça. Et avec, il y avait un petit début, un début de chanson qui ressemblait pas mal, fortement en fait, à Creep de Radiohead. Peut-être suis-je le seul à avoir remarqué ça, en fait. Et le gars derrière le projet Coma Cinema, Matt Cotrain, a publié un petit message cette semaine sur son site internet qui disait que depuis le début de l'ouverture de sa page Bandcamp, il avait réussi à atteindre le 10 000 personnes qui ont en fait téléchargé sa musique depuis qu'il a créé son profil. Et dans ce contexte-là, il se disait, ben 10 000 personnes qui téléchargent ma musique sans aucune promotion, sans s'embarquer dans des cycles de production de disques comme les grands majors nous obligeraient à le faire, m'obligeraient à le faire. Et il se dit, ben pourquoi d'abord je changerais ma façon de travailler. Donc lui, c'est un petit peu un post-mortem sur sa façon de travailler, le trait « do it yourself ». Par contre, il disait pas s'il arrivait à vivre de sa musique, mais probablement que c'est pas important dans son cas, monsieur Matt Cotrain du projet Coma Cinema. Et je vous invite à télécharger cette chanson-là. Si vous l'avez aimée, c'est gratuit, toujours sur son site Bandcamp, la chanson Virgin Veins. Bref, on écoute maintenant Jason Little, l'ancien leader de Granddaddy, dont son album Department of Disappearance vient d'entrer sur le palmarès de CISM cette semaine tout juste. Voici la chanson du même nom à l'émission Le Terminus. Oh, Carl-Éric Hudon avec Amour, Sentiment et Apparence, qu'on devrait avoir de la nouvelle musique de sa part, Carl-Éric Hudon. Et en attendant, il sera en spectacle 7 novembre à l'Escogriffe, l'Esco, dans le cadre de Coup de cœur francophone. Et juste avant Carl Eric Hudon, c'était Lavabo avec Hypochondriaque. Toute la liste des chansons qui a joué ce soir à l'émission est disponible sur le csm893.ca. En fait, dans quelques minutes, laissez-moi le temps d'aller mettre ça à jour. Ça va être là vers autour de 10h05. Vous allez également pouvoir écouter l'émission en balado-diffusion. Dans quelques instants, dès 10h, c'est Zika Mendes qui arrive avec l'émission L'âme Hi-Fi. Soyez-y. Et on se quitte quant à nous avec The Soft Moon qui sort un nouvel album le 30 octobre sur Capture Tracks. Ça sera la chanson Insides que vous allez entendre. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Bonne semaine. À bientôt. Ciao. Samedi le 20 octobre à l'Olympiade de Montréal. Spectacle métal bénéfice pour Opération Enfant Soleil avec Wishmaster. Hommage à Nightwish. Et plus de 100 artistes sur scène mettant aussi en vedette Open Fist. Hommage à System of a Down. Everybody's going to the party. Et Alcoholica. Ultime hommage à Metallica. Bien en vente à l'Olympia et sur le réseau Admission. Information wishmaster.ca. Écoutez.